Chapitre 13. Le lendemain, Borov, accompagné de sa fille, fut introduit dans le salon de la comtesse Gretzky. Le vieillard était fort troublé. Il sentait que de cette entrevue dépendait presque uniquement le salut de sa cause. Raïssa était parfaitement calme. Un étranger eût dit indifférente. Une sorte de hauteur dédaigneuse était fixée sur son visage, autrefois simplement joli, maintenant d'une beauté austère. Les lèvres avaient pris le pli de la volonté soutenue. Les yeux semblaient faire fi de l'opinion de la foule. Tous les traits s'étaient amincis et épurés. Jadis, on eût pu voir la jeune fille sans la remarquer. Maintenant, on se retournait sur son passage en se demandant qui elle était. Du premier coup d'œil, la comtesse comprit qu'elle n'avait point sous les yeux une aventurière. La simplicité un peu bourrue du père lui avait inspiré de la confiance. En présence de Raïssa, il éprouva du respect. Le respect dû à toute grande infortune imméritée. « Asseyez-vous, mademoiselle, » dit la grande dame en indiquant un siège. Raïssa obéit. Les plis sévères de sa robe de drap noir tombèrent autour d'elle comme autour d'une statue. La comtesse pensa que cette jeune fille devait avoir un grand usage du monde pour savoir s'arranger ainsi. « Quel âge avez-vous ? » lui dit-elle avec un bon sourire destiné à la mettre à son aise. « 19 ans. » répondit Raïssa en levant ses grands yeux noirs. « Qui vous a élevé ?»« Ma mère. » »« Vous avez fréquenté une pension ?»« Non, madame. J'ai eu quelques leçons à la maison. Ma mère a fait le reste. »« Vous parlez plusieurs langues étrangères ?»« Le français et l'allemand, pas très bien. »« Vous êtes musicienne ?»« Oui, madame. Je me préparais à enseigner le piano. »« Et maintenant ?» fit la comtesse, non sans intention. « Maintenant, madame, je ne trouverai plus d'élèves si j'avais la fâcheuse idée d'en chercher. » Ceci fut dit très simplement, et pourtant la comtesse sentit qu'elle venait de recevoir une leçon. Comme elle avait l'esprit très élevé, au lieu d'en vouloir à l'imprudente, elle sentit s'augmenter l'estime que son excellente tenue lui inspirait déjà. « Votre père m'a raconté ses démarches, » reprit la grande dame, « et le peu de succès qu'elles ont obtenu, si ma question ne vous semble pas indiscrète, et croyez que je n'ai pas l'intention de vous blesser, qu'espériez-vous obtenir ?» Raïssa regarda la comtesse et répondit lentement, « Justice. »« Sans doute, mais qu'appelez-vous, justice ?»« La punition de l'infamie, » répliqua la jeune fille, du même ton et avec le même calme. « Et pour vous-même, vous désirez sans doute quelque chose ? Ce n'est que bien naturel. Que demandez-vous ? Rien, » répondit Raïssa. « Rien du tout pour moi. » La comtesse la regarda avec attention. Cette réponse lui paraissait si peu vraisemblable qu'elle crut avoir mal entendu. « Rien ? » répéta-t-elle. « Cependant, vous disiez tout à l'heure que vous ne trouveriez plus d'élèves. » « Ceci est un malheur qui ne peut se réparer. On ne refait pas le monde. » « Mais, » continua la comtesse de plus en plus surprise, « de quoi vivrez-vous ? » Nous quitterons Pétersbourg lorsque nous aurons obtenu justice. Peut-être l'empereur nous permettra-t-il de changer de nom. Nous irons alors en province. Là, personne ne me connaîtra. Je trouverai quelques occupations. Dans une famille ? Raïssa releva la tête avec une sorte d'indignation. Non, madame. Comment pourrais-je tromper d'honnêtes gens ? Je ferai de la couture, de la broderie, n'importe quoi. Mon père a une petite pension. La comtesse garda le silence un moment. Le vieux Porov la regardait d'un air assuré. La clarté, la simplicité des réponses de sa fille lui causaient une satisfaction visible. « Cependant, mademoiselle, » reprit Madame Gretzky, « avant ce malheureux événement, vous aviez devant vous une carrière, vous aviez un gagne-pain, vous pouviez vous marier, tandis que maintenant, vous voyez vous-même les difficultés qui vous entourent. Ne serait-il pas naturel qu'on vous accordât quelques compensations pécuniaires pour le tort porté à vos intérêts ? Le prix de l'infamie ? Non, madame, nous n'en voulons pas, » dit Raïssa avec une violence contenue. « Nous l'avons déjà refusé. » « Vous me permettrez de vous faire remarquer, » répéta la comtesse, « l'énorme différence qu'il y a entre une somme d'argent offerte en secret pour acheter votre silence et des dommages-intérêts alloués par un tribunal, par une autorité supérieure en un mot. » Raïssa secoua la tête négativement. « Ce n'est pas de l'argent que je veux, madame. C'est la punition de ceux qui ont brisé ma vie. » La comtesse réfléchit encore un peu. « Eh bien, puisque vous ne demandez que ce qui vous est dû, nous tâcherons de l'obtenir. » Les yeux de Porov s'emplirent de larmes de joie, et dans l'élan de sa reconnaissance, il baisa la main de leur protectrice, après quoi, tout confus, il se rassit en silence. « Mais, continua-t-elle, avez-vous pensé à ce que peut être cette punition ? Devant un tribunal de police, c'eût été relativement peu de choses, je dis relativement à la grandeur de l'offense. Dans les mains du souverain, à qui je vais porter votre plainte, ce peut être extrêmement grave. Nul ne peut prévoir l'arrêt qui sera rendu. Il peut frapper les coupables dans leur rang, dans leur fortune, dans leur liberté. Avez-vous pensé à cela ?»« Et moi, madame ? » s'écria Raïssa, qui s'est élevée pâle d'indignation, toute frémissante de colère. « Ont-ils pensé à ce que je perdais ? Moi, qui avais vécu jusqu'alors auprès de mes parents, occupé seulement de mes études et de mes devoirs. Ils ont mis dans ma vie le souvenir d'une heure horrible, d'un affront que rien ne peut effacer. Moi, qui n'avais jamais connu le mal, ils m'ont infligé une souillure qui flétrit même mes plus innocentes pensées. Ils m'ont ruiné en m'ôtant ma réputation. Ils ont condamné à la misère les jours de mon vieux père que mon travail aurait soutenu. Ils ont brisé ma vie. Je ne serai jamais épouse, je ne serai jamais mère. Je mourrai seule et sans famille, les misérables. Ils ont tué ma mère, qui est morte de ma honte, et c'est pour eux que vous parlez de pitié ? Ah, madame, si vous ne comprenez pas que je demande justice et que je les haïsse d'une haine féroce, ce n'était pas la peine de nous regarder avec bonté. » Raïssa était restée devant la comtesse, les yeux pleins d'un feu sombre, les joues blanches, les lèvres frémissantes, semblables dans ses vêtements de deuil, à Némésis elle-même. Son père, debout auprès d'elle, la regardait, plein de respect pour son enfant si cruellement éprouvé. Jamais Raïssa n'avait exprimé ainsi ses sentiments secrets. Depuis le jour du crime, elle avait gardé le silence sur ce qu'elle éprouvait, laissant son père agir, le soutenant de sa présence et de son approbation, mais sans dire un mot qui pût l'éclairer sur l'état de son âme. Pour lui, comme pour la comtesse, les paroles de la jeune fille révélaient un monde de tortures intimes qu'il n'avait qu'entrevues. La comtesse saisit avec élan Raïssa par la main et, l'attirant à elle, posa un baiser de mère sur le front pur de la jeune victime. « Ceci, mon enfant, est l'expression de la sympathie d'une honnête femme. Toutes les mères doivent plaider votre cause, car en vérité, si l'honneur des jeunes filles n'est ni protégé ni vengé, les hommes ne connaîtront plus de frein dans leur folie désastreuse. Comptez sur moi. Votre cause sera plaidée et entendue en haut lieu, et je ne doute pas que vous n'obteniez justice. » Le père et la fille s'inclinèrent devant leur protectrice qui se leva. « Usez de moi, » dit-elle avec grâce. « Avez-vous besoin de quelque chose ? Puis-je vous avancer un peu d'argent ?» Porov fit un geste de dénégation. « Nous vivons avec ce que nous avons, » dit-il, « et de vous à nous, l'argent gâterait tout. » Il emmenait sa fille, la comtesse l'arrêta. « Pourriez-vous les reconnaître ? » dit-elle à Raïssa sans désigner autrement les coupables. « Je n'en suis pas sûr, » répondit celle-ci. « J'ai déjà bien cherché. »« Cherchez encore, » dit la comtesse. « Au revoir. » Elle rentra dans le salon pendant que Porov et sa fille descendaient l'escalier. Au moment où ils mettaient le pied sur le perron, un traîneau attelé d'un cheval noir s'arrêta devant eux et un jeune homme enfoncé jusqu'aux yeux dans le col de fourrure de son manteau en descendit légèrement. Par habitude de reconnaître des amis dans les visiteurs de sa tante, Valérien Gretzky leva les yeux sur ceux qui sortaient. Un frisson involontaire lui passa sur le corps à la vue de Raïssa. À cause de son uniforme, celle-ci l'avait regardée. Lut-elle dans les yeux du jeune homme la terreur d'être reconnue ? Devina-t-elle ses traits malgré le col de castor ? Elle tressaillit à son tour et resta immobile. Gretzky se décida à gravir les trois marches de pierre et passa devant elle. Le Suisse ouvrait déjà la porte vitrée pour le recevoir. Il entra, et le double battant retomba derrière lui. « Père, » dit à voix basse Raïssa en mettant la main sur le bras du vieillard. « Père, c'est un des trois hommes. Cet officier. Oui, j'en suis sûr. » Porov rentra dans la maison et interpella le Suisse. « Qui est ce bel officier qui vient d'entrer ? » demanda-t-il d'un air détaché. « C'est le neveu de notre comtesse, le comte Valérien Gretzky, » répondit le Suisse avec emphase. Porov retourna près de sa fille. « C'est le neveu de la comtesse. » Raïssa resta une seconde indécise. « Il ne faut pas le lui dire, » fit-elle enfin. « Allons-nous-en, nous le retrouverons. »